3. Les légendes. Ce qui fait le plus grand charme de la veillée de Noël, ce sont assurément les légendes qu'on y raconte. Leur ensemble forme un des plus captivants chapitres de la littérature populaire. Elles sont tour à tour terribles ou touchantes, dramatiques ou gracieuses. Il serait bien difficile de dire quelle est l'origine de ces fables, historiettes ou contes qui ont trait à la naissance de l'enfant Dieu. Ces récits auxquels les vieillards savent donner tant de charme font toujours les délices des enfants. Les légendes de la veillée de Noël peuvent se diversifier d'après les êtres qui entrent en scène, êtres inanimés, animaux, démons, récits édifiants. Tel est l'ordre que nous suivrons. Êtres inanimés. En Franche-Comté, on raconte qu'une roche pyramidale qui domine la crête d'une montagne tourne 3 fois sur elle-même pendant la messe de minuit, quand le prêtre lit la généalogie du Sauveur. En cette même nuit, les sables des grèves, les rocs des collines, les profondeurs des vallées s'entrouvent et tous les trésors enfouis dans les entrailles de la terre apparaissent à la clarté des étoiles. Dans cette même contrée existe la légende de la pierre qui vire. C'est une pierre pointue dressée en équilibre sur un rocher entre les villages de Sey-en-Varais et de Clair et qui, dit-on, fait un tour complet sur elle-même au coup de minuit à Noël. Dans les Vosges, la pierre Tournerose, bloc élevé qui existait près de Remiremont, se mettait elle-même en mouvement quand les cloches de Remiremont, de Saint-Nabor et de Saint-Étienne, 2 paroisses voisines de Remiremont, appelaient les fidèles à la messe de minuit. C'est surtout au pays de Caux, Seine inférieure, qu'existe la légende des pierres tournantes. Ces pierres faisaient autrefois 3 tours sur elles-mêmes pendant la messe de minuit, et les monstres, qui étaient censés y habiter, exécutaient autour d'elles des danses folles qu'il eût été dangereux de troubler. Citons la chaise de Gargantua à Duclair, la pierre Gante à Tancarville, la pierre du diable à Criquetot-sur-Ouville, à Millières, dans le Cotentin, Manche, au carrefour des Mariettes, se trouve un bloc de pierre pesant 1000 kilos qui, dit-on, saute 3 fois le jour de Noël à minuit. On croit encore au pays de Caux que les cloches perdues sonnent pendant la messe de minuit. Certains affirment avoir entendu l'ancienne cloche de l'église des moines d'Ouville-l'Abbaye qui passe pour être enfouie dans le bosque aux moines à Bouteville. Mais il faut surtout lire les légendes bretonnes. Nombreuses autant qu'énormes sont les pierres qui se déplacent pendant la messe de minuit pour aller boire comme des moutons altérés aux rivières et aux ruisseaux. Un mégalithe, près de Jugon, côte du Nord, se rend à la rivière de l'Arguenon. Dans le bois de Couarde, un bloc de granit, haut de 3 mètres, descend pour aller boire au ruisseau voisin et remonte à sa place de lui-même. Il y a, au sommet du mont Belleux, un menhir qui se laisse enlever par un merle et qui met à découvert un trésor. Mais il faut entendre surtout, telle qu'elle nous est contée par Émile Souvestre, la jolie légende des pierres de Plouhinec qui vont boire à la rivière d'Intel. La plus célèbre était jadis la grosse pierre de Saint-Mirel, dont Gargantua se servit pour aiguiser sa faux et qu'il piqua après la faugeaison comme on la retrouve encore aujourd'hui. Elle cachait un trésor qui tenta un paysan des alentours. Ce paysan était si avare qu'il n'eut pas trouvé son pareil. Le liard du pauvre, la pièce d'or du riche, il prenait tout. Il se serait payé s'il eût fallu avec la chair des débiteurs. Quand il sut qu'à la Noël, les roches allaient se désaltérer dans les ruisseaux en laissant à découvert des richesses enfouies par les anciens, il songea pendant toute la journée à s'en emparer. Pour pouvoir prendre le trésor, il fallait cueillir, durant les 12 coups de minuit, le rameau d'or qui brillait à 7 heures seulement dans les bois de Coudrier et qui égalait en puissance la baguette des plus grandes fées. L'or, ayant cueilli le rameau, il se précipita de toute sa force vers le plateau où le rocher de Gargantua profilait sa masse sombre, et, lorsque minuit eut sonné, il écarquilla les yeux. Lourdement, le bloc de pierre se mettait en marche, s'élevant au-dessus de la terre, bondissant comme un homme ivre à travers la lande déserte, avec des secousses brusques qui faisaient sonner au loin le terrain de la vallée. Jusqu'à ce moment, la branche magique éclairait l'endroit que la pierre venait de quitter. Un vaste trou s'ouvrait, tout rempli de pièces d'or. Ce fut un éblouissement pour l'avare qui sauta au milieu du trésor et se mit en devoir de remplir le sac qu'il avait apporté. Une fois le sac bien chargé, il entassa ses pièces d'or dans ses poches, dans ses vêtements, jusque dans sa chemise. Dans son ardeur, il oubliait la pierre qui allait venir reprendre sa place. Déjà les cloches ne sonnaient plus. Tout à coup, le silence de la nuit fut troublé par les coups saccadés du roc qui gravissait la colline et qui semblait frapper la terre avec plus de force, comme s'il était devenu plus lourd après avoir bu à la rivière. L'avare ramassait toujours ses pièces d'or. Il n'entendit pas le fracas que fit la pierre quand elle s'élança d'un bond vers son trou, droite comme si elle ne l'avait pas quitté. Le pauvre homme fut broyé sous cette masse énorme et de son sang il arrosa le trésor de Saint-Mirel. Animaux. Il existe en France surtout une croyance populaire dont les formes varient suivant les différentes contrées. C'est la conversation des animaux entre eux pendant la messe de minuit et surtout pendant la lecture ou le chant de la généalogie. C'est sans doute une réminiscence de la représentation de l'ancien mystère de la nativité, pendant laquelle on faisait parler les animaux. Cette croyance si répandue avec de nombreuses variantes peut se résumer ainsi. Un paysan, probablement ivre, ayant omis d'offrir à son bétail le réveillon traditionnel, entend ce dialogue entre les deux grands bœufs de son étable. Premier bœuf. Que ferons-nous demain, compère ? Second bœuf. Porterons notre maître en terre. Le maître, furieux en entendant cette prédiction, saisit une fourche pour frapper le prophète de malheur. Mais dans sa précipitation, il se blesse maladroitement lui-même à la tête. Et, le lendemain, les bœufs le portent en terre. Tel est le thème développé différemment suivant les provinces. Dans les Vosges, à la Bresse, canton de Saulxures-sur-Moselotte, on a soin de donner abondamment à manger aux animaux avant d'aller à la messe de minuit. À Cornimont, au Val d'Ajol, on croit encore que les animaux se lèvent et conversent ensemble pendant la messe de minuit. On raconte à ce sujet qu'un habitant de Cornimont, jouissant de la réputation d'esprit fort, voulut s'assurer de ce fait surnaturel. Il alla se coucher dans un coin obscur de l'écurie, situé derrière sa maison. À l'heure de minuit, il vit un de ses bœufs se réveiller, puis se lever pesamment et demander, en bâillant à son compagnon de fatigue, ce qu'ils feraient tous deux le lendemain. Celui-ci lui répondit qu'il conduirait leur maître au cimetière. « La chose ne manqua pas d'arriver, dit la tradition. Notre esprit fort fut saisi d'une telle frayeur qu'il en tomba raide mort sur place. Ainsi, sans doute, le racontèrent les bœufs. On assure aussi qu'une semblable aventure arriva à une femme, à Raon-au-Bois, canton de Remiremont. Poussée par la curiosité, elle alla visiter ses étables pendant la messe de minuit. Elle apprit également de ses bœufs qu'il ne tarderait pas à la conduire en terre. La nuit de Noël est célèbre par une vieille légende que les paysans landais racontent avec terreur pendant les veillées d'hiver. Ils prétendent que le jour de Noël, vers minuit, l'âne et le bœuf se mettent à parler entre eux. Ils causent du temps où l'enfant Jésus n'avait pour se réchauffer que leur haleine. Ce don miraculeux de la parole est le cadeau envoyé tous les ans par le ciel à ces deux animaux en souvenir des bons offices rendus à l'enfant Jésus dans l'étable de Bethléem. Mais malheur à celui qui tente de surprendre leur mystérieuse conversation. Sa témérité est punie d'une manière terrible, il tombe mort à l'instant même. Un bon paysan de Gailleurs l'éprouva à ses dépens. Pour se convaincre de la vérité du fait, il vint écouter à l'étable, et voilà qu'à minuit juste, le bœuf dit à son voisin « Où bouette, où bortin, qu'est ramenou, douman matin, qu'est pour te ram, loubouet ou clos, et loubouet, qu'est mouri, sous cop. » Voici comment l'aînel de la salle a gracieusement brodé cette légende. La scène se passe en Berry. On assure qu'au moment où le prêtre élève l'hostie pendant la messe de minuit, toutes les omailles, bêtes à cornes, de la paroisse s'agenouillent et prient devant la crèche. On assure encore qu'après cette oraison toute mentale, s'il existe dans une étable deux bœufs qui sont frères, il leur arrive infailliblement de prendre la parole. On raconte qu'un boiron, qui dans ce moment solennel se trouvait couché près de ses bœufs, entendit le dialogue suivant. « Que ferons-nous demain ?» demanda tout à coup le plus jeune du troupeau. « Nous porterons notre maître en terre. » répondit d'une voix lugubre un vieux bœuf à la robe noire. « Et tu ne ferais pas mal, François, » continua l'honnête animal en arrêtant ses grands yeux sur le boiron qui ne dormait pas, « tu ne ferais pas mal d'aller l'en prévenir afin qu'il s'occupe des affaires de son salut. » Le boiron, moins surpris d'entendre parler ces bêtes qu'effrayé du sens de leurs paroles, quitte l'étable en toute hâte et se rend auprès du chef de la ferme pour lui faire part de la prédiction. Celui-ci se trouvait attablé avec 3 ou 4 francs garnement de son voisinage et, sous prétexte de faire le réveillon, présidait à une monstrueuse orgie tandis que la cause de Nao, bûche de Noël, flamboyait dans l'âtre et que sa femme et ses enfants étaient encore à l'église. Le fermier fut frappé de l'air effaré de François à son arrivée dans la salle. « Eh bien, qu'y a-t-il ? » lui demanda-t-il brusquement. « Il y a que les bœufs ont parlé, » répondit le boiron consterné. « Et qu'ont-ils chanté ? » reprit le maître. « Ils ont chanté qu'ils vous porteraient demain en terre. C'est le vieux Noirot qui l'a dit. Il m'a même envoyé vous en avertir, afin que vous ayez le temps de vous mettre en état de grâce. « Le vieux Noirot en a menti, et je vais lui donner une correction, » s'écria le fermier, le visage empourpré par le vin et la colère. Et, sautant sur une fourche de fer, il s'élance hors de la maison et se dirige vers les étables. Mais il est à peine arrivé au milieu de la cour qu'on le voit chanceler, étendre les bras et tomber à la renverse. Était-ce l'effet de l'ivresse, de la colère ou de la frayeur ? Nul ne le sait. Toujours est-il que ses amis, accourus pour le secourir, ne relevèrent qu'un cadavre et que la prédiction du vieux Noirot se trouva accomplie. Depuis cette aventure, que l'on dit fort ancienne, les bœufs ont toujours continué à prendre, une fois l'an, la parole, mais personne n'a plus cherché à comprendre le secret de leur conversation. À Romorantin, nous écrit un de nos correspondants, lorsque j'étais enfant, on me recommandait de me trouver à la crèche, le jour de Noël, à minuit sonnant. C'était, me disait-on, l'heure où le bœuf et l'âne empruntaient la voie humaine pour saluer le Christ naissant. Dans le Cotentin, où la foi est naïve, on est persuadé que toute la création adore le petit Jésus à Noël. À l'heure de minuit, dit-on, tous les animaux de ferme s'agenouillent et tel curieux qui voudrait alors pénétrer dans l'étable uniquement pour s'assurer du fait serait immédiatement puni de sa témérité. Démons et croyances superstitieuses. Un ancien Noël nous donne une description frappante et naïve de la rage du démon à la venue du Messie. R. Jean d'Ève. Le démon, assurément, dedans son cœur endève, car Dieu vient présentement pour sauver les fils d'Adam et d'Ève, d'Ève, d'Ève. Il régnait absolument sans nous donner de trêve. Mais ce saint avènement délivre les fils d'Adam et d'Ève, d'Ève, d'Ève. Chantons Noël hautement, sortons de notre rêve. Bénissons le sauvement de tous les enfants d'Adam et d'Ève, d'Ève, d'Ève. La nuit de Noël est la plus mystérieuse de toutes les nuits. Il semble que Satan, exaspéré par l'échec que ce divin anniversaire lui remet en mémoire, sente à chaque retour de la grande fête redoubler sa haine et sa rage contre l'humanité. C'est alors qu'il sème dans les sentiers et sur les carroirs que doivent parcourir les pieuses caravanes de la messe de minuit ces larges et splendides pistoles qui jettent dans l'ombre de si magiques et de si attrayants reflets. C'est alors qu'il ouvre, au pied des croix et des oratoires champêtres, ces antres béants, au fond desquels on voit ruisseler des flots d'or. Malheur à celui qui tente de garnir son escarcelle de cette brillante monnaie. Chaque pistole ramassée échappe aussitôt des mains en laissant au doigt une empreinte noire, ineffaçable, avec une sensation de brûlure atroce, pareille à celle du feu de l'enfer. Le mauvais, le malfaisant, le diable, est partout. On le rencontre courant la campagne, sous les formes les plus imprévues. Autrefois, au collège de Saint-Amand, un vieux domestique contait ainsi l'aventure fantastique qui lui était arrivée le 25 décembre 1783. Malgré les recommandations de son père, il avait tendu des collets dans un ancien cimetière. Il y courut pendant la messe de minuit et trouva pris au piège un lièvre qui, au lieu de l'attendre, se coupa la patte avec les dents. Lui de le poursuivre, l'autre de se sauver aussi vite que le lui permettait sa blessure. Enfin, après une longue course, ils arrivèrent tous les deux au bord du Cher, et au moment où le chasseur allait mettre la main sur sa proie, la maligne bête franchit la rivière d'un seul bond, Alors, se tournant vers le jeune homme épouvanté, « Eh bien, l'ami, s'écria le diable qui avait repris sa forme, est-ce bien sauté pour un boiteux ?» En Limousin, dans les campagnes, existe cette croyance que les maléfices, les sortilèges, toutes les œuvres de l'esprit du mal perdent la nuit de Noël leur puissance. Qu'il est possible de pénétrer jusqu'aux trésors les plus cachés, la vigilance des monstres ou des êtres surnaturels qui les gardent se trouvant en défaut ou leur pouvoir suspendu. Shakespeare, le grand poète anglais, connaissait cette tradition quand dans Hamlet, il fait dire à Marcellus « Some say that ever against that season comes, wherein our Saviour's birth is celebrated, the bird of Downing singeth a night tongue. And then they say, no spirit dare stir abroad. The nights are always some, then no planet strike, no fairy takes, no witch hath power to charm, so allowed and so gracious is the time. » Il y en a qui disent que toujours à l'époque où est célébrée la naissance de notre Sauveur, l'oiseau de l'aurore chante tout le long de la nuit, alors, dit-on, aucun esprit n'ose errer dans l'espace. Les nuits sont sans malignité, nulle planète ne peut nuire, nulle fée ne prend et nulle sorcière n'a le pouvoir de jeter des sorts, si béni et si plein de grâce est ce moment de l'année. Et en effet, un moment vient où le malin est enfin réduit à l'impuissance. C'est alors que tinte le premier coup de minuit. Écoutez plutôt ce que fit Jean Squarne de Saint-Michel-en-Grève, près de Ploumilio, côte du Nord. Un jour qu'il errait sur les grèves de Saint-Michel, il rencontra un pauvre cheminot qui, pour le remercier d'un morceau de pain qu'il lui avait donné, lui révéla le moyen de gagner la fortune et le bonheur. Il lui apprit en effet qu'au milieu de la grève se dressait un château habité par une princesse, belle comme une fée et riche comme les 12 pairs de France. Les esprits de l'enfer la retenaient sous les eaux. À Noël, au premier coup de minuit, la mer s'ouvrait et laissait voir le château. Si quelqu'un pouvait y entrer et aller prendre dans la salle du fond une baguette magique, il pouvait devenir le mari de la châtelaine. Mais il fallait avoir mis la main sur la baguette avant le dernier coup de minuit. Sinon, la mer revenait engloutir le château et l'audacieux chercheur était métamorphosé en statue. Squarne résolut de tenter l'aventure. À minuit, en effet, la mer s'écarta comme un rideau qu'on tire et laissa voir un château resplendissant de lumière. Squarne ne fit qu'un bond vers l'entrée et franchit la porte. La première salle était remplie de meubles précieux, de coffres d'or et d'argent. Tout autour se dressaient les statues des chercheurs d'aventure qui n'avaient pu aller plus loin. Une seconde salle était défendue par des lions, des dragons et des monstres aux dents grinçantes. Jean Squarne était perdu s'il hésitait. Comme le sixième coup de minuit sonnait, il réussit à passer au milieu des bêtes enchantées qui s'écartèrent et pénétra dans un appartement plus somptueux que tous les autres, où se tenaient les filles de la mer. Il allait se laisser entraîner dans leur ronde quand il aperçut tout au fond la baguette magique. Il s'élança et la saisit victorieusement. Le douzième coup de minuit sonna. Mais Squarne tenait la baguette magique, et il n'avait plus rien à craindre. À sa voix, la mer mugissante s'éloigna du château, et les esprits de l'enfer, définitivement vaincus, s'enfuirent en poussant des cris à faire trembler les rochers. La princesse délivrée offrit sa main au vaillant sauveur. Ce furent des noces splendides, et Jean Squarne, dans sa reconnaissance pour les saints qui l'avaient protégé, employa la moitié des trésors à construire une chapelle à l'archange Saint-Michel. Nombreuses sont les croyances superstitieuses à l'occasion de la fête de Noël. Dans les villages byzantins, on observe quel vent souffle au sortir de la messe de minuit. Ce sera, paraît-il, le vent qui dominera durant la nouvelle année. Dans les campagnes des Vosges, les 12 jours entre Noël et les rois indiquent le temps des 12 mois de l'année. Ces jours sont appelés dans le pays « jours des lots ». Pour connaître le temps qu'il fera, on prend les dispositions suivantes. On place en ligne 12 oignons creusés en forme de coquille de noix, et cela dès le 25 décembre, dans l'ordre suivant. 1, 2, 3, 12. Dans chaque oignon ainsi creusé, on met quelques grains de sel. Le premier oignon, en commençant par la gauche, correspond au mois de janvier, et les autres oignons au mois suivant, d'après leur rang. Au jour des rois, qui est le dernier des jours des lots, on examine les oignons. là où le sel n'est pas fondu, le mois correspondant doit être sec. Là où il est fondu, le mois correspondant doit être humide. Dans la Normandie, on augure de la fécondité des pommiers selon que la lune éclaire plus ou moins les personnes qui vont à la messe de minuit ou qui en reviennent. Au pays de Caux, on plaçait autrefois sur une jatte de bois ou un plateau quelconque un morceau de pain béni de la messe de minuit. On le laissait aller à la dérive sur les rivières jusqu'à ce que le plateau s'arrêtât de lui-même, indiquant ainsi où se trouvait le corps d'un noyé. Longtemps, les Cauchois des rives de la Seine eurent cette croyance. Ils croyaient aussi que le pain béni de la messe de minuit avait le pouvoir de délier la langue des enfants. Dans certaines familles cauchoises, on le conserve comme un talisman ayant la vertu d'indiquer l'état de santé des absents. En Corse, les jeunes gens ont l'habitude de courir de maison en maison de manière à faire 7 veillées avant la messe de minuit, afin d'être jugés dignes d'apprendre de vieilles femmes certains signes superstitieux qui leur permettent, le cas échéant, de rendre impuissantes et inoffensives les piqûres des scorpions et des autres animaux nuisibles. Ces signes ne peuvent valablement se communiquer que la nuit de Noël et seulement à ceux qui ont fait les 7 veillées. La Bretagne, surtout, peut être appelée la terre classique des légendes. Interrogez les vieux paysans réunis aux veillées d'hiver. Pendant que l'assistance frissonne d'épouvante et se presse autour du foyer où brille un feu de genêts épineux, ils vous révéleront les noms de tous les êtres mystérieux ou sinistres qui peuplent les nuits de la vieille armorique. C'est pendant la nuit de Noël surtout que l'ordre ordinaire de la nature est bouleversé. Quand la cloche annonce l'élévation de la messe de minuit, tout ce qu'il y a d'être créé sur la terre se montre à la fois dans le monde. Prêtons l'oreille à l'antique tradition, elle le mérite par sa poétique étrangeté. Voici les fantômes qui s'avancent. Près des fées des bois et des eaux se montrent les korrigans avec leurs marteaux et les dragons gardiens des trésors. Ensuite apparaissent le garçon à la grosse tête, épouvantail des nuits pluvieuses, l'homme-loup, le conducteur des morts et le cheval trompeur. Le char de l'Ancou porte l'oiseau de la mort et Jean de Feu. Les flammes bleues qui dansent dans les cimetières, les noyés qui sortent de la mer, le diable des carrefours qui vient acheter la poule noire, le sorcier qui cherche l'herbe d'or, les damnés qui soulèvent la pierre de leur tombe pour demander des prières, les lavandières nocturnes. Telle est l'épouvantable procession qui chemine à travers la lande pendant que la neige tourbillonne et que les fidèles sont prosternés devant l'autel. Récits édifiants. Innombrables sont ces sortes de légendes. Nous n'en citerons qu'un petit nombre. On raconte qu'à Marienstein, ce sanctuaire aimé de la Suisse septentrionale et de l'Alsace, éclosait, la nuit de Noël, une rose fermée toute l'année et d'où s'échappait une délicieuse odeur et une lumière éclatante. C'était la rose de Noël ou la rose des neiges. On raconte, dit Albert Demain, dans nos landes de Bretagne, que lorsque les mages arrivèrent à l'étable de Bethléem, ils y trouvèrent les bergers qui, n'ayant rien autre à offrir au divin enfant, enguirlandèrent avec des fleurs des champs la crèche où il était couché. Les mages étalèrent leurs riches présents. Ce que voyant, les bergers se dirent entre eux, « Nous voilà bien, à côté de ces belles choses d'or et d'argent, que vont devenir nos pauvres fleurs ? L'enfant ne les regardera seulement pas. » Mais voilà que l'enfant Jésus, repoussant doucement du pied les trésors entassés devant lui, étendit sa petite main vers les fleurs, cueillit une marguerite des champs et la portant à ses lèvres, y posa un baiser. C'est depuis ce temps que les marguerites, qui jusqu'alors étaient toutes blanches, ont, au bout des feuilles, une belle couleur rosée qui semble un reflet de l'aurore et au cœur le rayon d'or tombé des lèvres divines. Finissons par la Noël des trépassés. C'était au temps du bon roi Saint-Louis, temps béni où la foi et la piété régnaient au pays de France. L'office de la nuit de Noël venait d'être achevé dans l'église abbatiale de Saint-Vincent-du-Mont. Les moines s'étaient tous retirés et l'abbé était rentré dans sa cellule. Accablé par l'âge, il s'était étendu promptement sur son humble couchette. Un lourd sommeil s'empara bientôt de son être. Tout à coup, un bruit étrange fait résonner la porte de la cellule. L'abbé, réveillé en sursaut, se lève à demi. Le bruit se renouvelle plus violent, plus fantastique. Le moine se précipite vers la porte. Il l'entr'ouvre. Un spectacle terrifiant se présente à ses yeux. Une foule immense d'êtres, revêtus de suaire blanc, sont là, dans le long corridor. Tous portent une torche allumée. Un effroyable silence plane sur cette multitude. Saisi de frayeur, l'abbé, craignant quelque œuvre diabolique, fait sur lui d'abord, puis sur toute cette foule, un grand signe de croix. Ces êtres s'inclinent alors, répétant tous le même signe sacré. Pour le faire, ils écartent leur suaire, et l'abbé voit alors que ce sont des squelettes décharnés. Une lueur lugubre est comme attachée à ces os desséchés, et ces squelettes semblent grandement souffrir de ces flammes. Le moine, rassuré par le signe de la croix, si pieusement fait par ces fantômes, leur demande « Qui êtes-vous? Que voulez-vous ? » Point de réponse. Les deux plus proches le saisissent par son scapulaire et l'entraînent à leur suite. Une procession se forme après eux, tous se dirigent vers l'église. Bientôt l'autel est préparé, les uns allument les cierges, les autres disposent les ornements sacrés. L'abbé comprend que ces êtres veulent assister au divin sacrifice de l'autel. Il revêt la chasuble et commence la sainte messe. Des voix gémissantes répondent aux versets que récite le prêtre. Les squelettes sont agenouillés pieusement dans le chœur, dans la nef. L'église en est remplie. Le silence est rompu seulement par la voix du ministre de Dieu et par les prières des assistants. À l'orate fratres, lorsque l'abbé se retourne, il voit que les squelettes ont quitté leur linceul. Le moment de la consécration est arrivé. À la voix de son prêtre, Jésus descend invisiblement sur l'autel. Alors les gémissements cessent, une harmonie céleste remplit l'église, un chant sublime de triomphe et de délivrance se fait entendre jusqu'à la fin de la messe. Lorsque le moine se retourne, alite missa est, les squelettes ont tous disparu. Une nuée lumineuse montant vers le ciel, l'écho affaibli de mystérieux cantiques, voilà tout ce qui reste du sublime spectacle auquel il vient d'assister. L'abbé rentre dans sa cellule, profondément ému, heureux surtout d'avoir été dans cette circonstance l'instrument de la miséricorde divine. Depuis chaque année, en l'abbaye de Saint-Vincent, on avait coutume de célébrer, après l'office solennel de la nuit de Noël, une messe basse pour les angoisseux du purgatoire. Écoutons Don Guéranger nous décrire la veillée de Noël et nous en donner le vrai sens chrétien. C'est là que nous avons vu, et nul souvenir d'enfance ne nous est plus cher, toute une famille, après la frugale et sévère collation du soir, se ranger autour d'un vaste foyer, n'attendant que le signal pour se lever comme un seul homme et se rendre à la messe de minuit. Les mets, qui devaient être servis au retour et dont la recherche simple mais succulente devait ajouter à la joie d'une si sainte nuit, étaient là préparés d'avance. Et au centre du foyer, un vigoureux tronc d'arbre, décoré du nom de bûche de Noël, ardait vivement et dispensait une puissante chaleur dans toute la salle. Sa destinée était de se consumer lentement durant les longues heures de l'office, afin d'offrir au retour un brasier salutaire pour réchauffer les membres des vieillards et des enfants engourdis par la froidure. Cependant, on s'entretenait avec une vive allégresse du mystère de la grande nuit. On compatissait à Marie et à son doux enfant, exposés dans une étable abandonnée à toutes les rigueurs de l'hiver. Puis bientôt, on entonnait quelqu'un de ces beaux Noëls, aux chants desquels on avait passé déjà de si touchantes veillées dans tout le cours de l'Avent. Les voix et les chœurs étaient d'accord en exécutant ces mélodies champêtres, composées dans des jours meilleurs. Ces naïfs cantiques redisaient la visite de l'ange Gabriel à Marie et l'annonce d'une maternité divine faite à la noble pucelle. Les fatigues de Marie et de Joseph parcourant les rues de Bethléem, alors qu'ils cherchaient en vain un gîte dans les hôtelleries de cette ville ingrate, l'enfantement miraculeux de la Reine du Ciel, les charmes du nouveau-né dans son humble berceau, l'arrivée des bergers avec leurs présents rustiques, leur musique un peu rude, et la foi simple de leur cœur. On s'animait en passant d'un Noël à l'autre, tout souci de la vie était suspendu, toute douleur était charmée, toute âme épanouie. Mais soudain, la voix des cloches, retentissant dans la nuit, venait mettre fin à de si bruyants et de si aimables concerts. On se mettait en marche vers l'église, heureux alors les enfants que leur âge un peu moins tendre permettait d'associer pour la première fois aux ineffables joies de cette nuit solennelle dont les fortes et saintes impressions devaient durer toute la vie. Puissions-nous faire revivre ces chères et touchantes habitudes qui confondaient les saintes émotions de la religion avec les plus intimes jouissances de la famille. Ici se termine la nuit de Noël dans tous les pays, la veillée de Noël et les légendes qu'on y raconte. Enregistré par Christiane Johan.